tu serais. Ouais, man, tu l'apprends. Mais je me retire, bois ça en pire. La nuit nous ruine, on serait millionnaire en faux cul. Aujourd'hui, si, si, et seulement si, y'avait moins de banaliser. Ok. Y'avait moins de banaliser. Premier couplet, tu t'y attendais. On a disparu, je désirais d'aller. T'as disparu quand ça allait pas. Ne reviens pas, je suis dans le black. Puis dans le black, pose dans le black. Je roule sans plaque, esquive la bac. Mon pied des sacs, jalousé par ton boss que je bandit. Les mains salies, jamais je ne commandite. Tu vois le bail, instrumental, lui fait du mal. Paranormal, c'est anormal. Être une victime, ça sent banal. Demi-réel, je vois du noir, même pas elle est belle. Tu connais les gros, c'est ton égo. Cette fois-ci, tu payes ma bouteille. Ok, ok. Et tu serais, ouais man, que la proie. Mais je me retire, ouais ça empire. La nuit nous ruine, on serait millionnaire en faux cul. Aujourd'hui, si, si, et seulement si, y'avait moins de banaliser. Et tu serais, ouais man, que la proie. Mais je me retire, ouais ça empire. La nuit nous ruine, on serait millionnaire en faux cul. Aujourd'hui, si, si, et seulement si, y'avait moins de banaliser. Jalousé par ton boss, même seul en trottinette. Y'a-t-il un homme honnête? Y'a-t-il une femme cruelle? Y'a-t-il une arme réelle? Puis sous le soleil, et il se prend pour un shadow. Puis sous le soleil, et il se prend pour un shadow. Doré, doré, adore. Je veux de l'or ou la mort. Et tu si fort, boss, boss. Dans l'illicite, je suis précoce. J'ai mis des droites et fait des bosses. J'suis toujours des anciennes équipes. Quand c'est les keufs qui sont apparus. J'ai mis les bleus que pour l'OM. Appelle les rouges. Ça gêne. Appelle les rouges si ça gêne. Appelle les rouges si ça gêne. Ok. Et tu serais, ouais man, tu es la proie. Mais je me retire, ouais ça empire. La nuit nous ruine, on serait millionnaire en faux cul. Aujourd'hui, si, si, et seulement si, y'avait moins de banaliser. Et tu serais, ouais man, que la proie. Mais je me retire, ouais ça empire. La nuit nous ruine, on serait millionnaire en faux cul. Aujourd'hui, si, si, et seulement si, y'avait moins de banaliser. Yeah.